savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Le seul espoir que nous puissions raisonnablement concevoir est précisément celui que suggère cette complication inouïe de conditions et d'événements. Le temps du monde fini commence. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, Michel Jarty, professeur à la Sorbonne, mon invité ce matin, est l'auteur d'une biographie de Paul Valéry. Une biographie épaisse, 1200 pages, dense, magistrale, qui m'a donné le goût de réfléchir avec son auteur à l'actualité de ce personnage majeur du dernier siècle. Je ne parle pas principalement de son œuvre poétique qui a porté si haut un certain génie de notre langue et dont la pérennité peut paraître assurée, pas non plus de ce commerce profond qu'il a entretenu avec la philosophie de tous les temps et la science du sien. Non, il va s'agir de considérer la pertinence et la fécondité des considérations qu'il a abondamment livrées, surtout dans l'entre-deux-guerres, sur le passé, le présent et le futur de la planète, sur le rôle de la nation et les risques du nationalisme pour l'avenir de l'Europe, sur le dialogue entre les intellectuels et les pouvoirs, sur les relations entre les forces de l'esprit et les plus brutales réalités des intérêts matériels, qu'ils soient individuels ou collectifs. La pensée géopolitique de Paul Valéry, peut-être le mot est-il un peu anachronique, s'enracine bien sûr dans l'époque qui est la sienne, celle de l'espérance que la Grande Guerre soit la dernière, celle de la montée de deux totalitarismes, vers un second drame planétaire. Cette époque n'est plus la nôtre, certes, mais la grande crise que nous sommes en train d'affronter suffit en elle-même, parce qu'elle fait écho à celle de 1929, à nous ramener vers des angoisses qui ne sont pas inédites et sur lesquelles Paul Valéry avait braqué la lucidité d'une intelligence sans pareille. Et d'abord, en commençant par la fin, je vais vous emmener au Trocadéro, le 25 juillet 1945, lors des obsèques nationales que la France a faite au poète. Et tandis que le porte-drapeau, dans un frémissement, redresse son drapeau, aux applaudissements de la foule, le général de Gaulle descend de sa voiture. Le général de Gaulle et ceux qu'il suivent se sont immobilisés dans un amour. Garde à vous, devant le drapeau de la garde républicaine. Puis, visiblement ému, et peut-être même quelque peu contracté, il se découvre. Et après avoir observé quelques minutes de silence dans la plus rigide immobilité, le général de Gaulle vient à sa place, où il est reçu par Georges Duhamel. La France sort de l'abîme où elle a failli disparaître. Ses soldats sont encore brûlants du feu des batailles qui lui ont rendu la victoire. Les ruines jonchent encore son sol. Les tombes des fusillés et des déportés sont à peine fermées. La fièvre de la liberté agite la nation. Un grand mouvement en avant commence à la porter vers sa reconstruction. Tout s'agite, tout frémit d'ardeur ou d'inquiétude. Et pourtant, la France se recueille sur la tombe du poète. Ô Valéry, vous avez veillé cette nuit sur Paris. Vous reposerez demain sur les rives de cette mer qui baigne aussi la Grèce. Votre corps se dissoudra dans l'argile et s'endormira dans le repos. Mais votre œuvre, qui déjà, bien avant votre mort, feuille, poème par poème, s'était détachée de vous comme la créature de son créateur, votre œuvre vous survit. Elle vous survit dans la mémoire de ceux qui vous ont lu, dans la surprise de ceux qui vous découvrent, dans la joie lumineuse de ceux qui vous comprennent. Elle rejoint celle de ces poètes, de ces prosateurs, de ces penseurs, de ces artistes par qui, depuis des siècles, s'est exprimée l'âme de la France. Allez, prenez place dans leur cortège aérien et avec eux, comme l'ange de la nativité, guidez éternellement la France sur la route de l'esprit. Michel Jarty, bonjour. Bonjour. Donc c'était Georges Duhamel au nom de l'Académie française qui rend hommage à Paul Valéry avec un peu de grandiloquence, le genre l'impose, mais avec cette affirmation qui durera, celle que Paul Valéry représente un moment essentiel de la sensibilité et de la culture française avec cette capacité constante d'imposer l'intelligence à tous les mouvements de la passion, à tous les mouvements de l'émotion. C'est peut-être d'abord ce que ses contemporains ont considéré en lui. Oui, tout à fait. Je crois que c'est d'une certaine manière ce qui a expliqué que le général de Gaulle ait eu envie de faire des obsèques nationales après la mort de Valéry. Il est chef du gouvernement provisoire. Valéry représente d'une certaine façon, à ses yeux et aux yeux de ses contemporains, l'intelligence française. Et il a certainement le désir, à travers ses obsèques, de rassembler le peuple autour d'un de ses grands écrivains. Et cependant, ce qui est assez étrange, c'est que Valéry découvre de Gaulle, ou semble découvrir de Gaulle, très très tard, puisque je n'ai retrouvé dans aucune des lettres, dans aucune des notes de la guerre, une quelconque mention à De Gaulle, une mention à Londres, à Alger. On a l'impression que Valéry s'était replié en quelque sorte sur la France intérieure et que, puisque vous utilisiez à juste titre ce terme de géopolitique à l'instant, et que justement cette géopolitique, dans son grand âge, dans son âge avancé, ne l'intéressait plus. Donc il découvre De Gaulle l'enchante, il dit « le mystère De Gaulle m'enchante ». Et De Gaulle a choisi de le recevoir parmi les premiers des grands écrivains français. Voilà, alors je crois que là, il y a quelque chose de très important. Il y a un signe, naturellement. De Gaulle, à l'été 44, est à peine arrivé à Paris, à peine installé au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, qui l'invite d'abord Mauriac, et puis, quelques jours après, Valéry à venir dîner. Et visiblement, Valéry est très impressionné par la personnalité du général De Gaulle, dont il ne dit pas grand-chose, mais enfin, il y a une note dans ses cahiers qui est assez intéressante. Il a l'impression d'un homme qui a entre les mains des cartes importantes, nombreuses, qui est maître de son jeu, et qui a, d'une certaine façon, toutes les qualités pour accomplir une grande tâche. Alors je voudrais, Michel Jarty, que nous commencions par vider un procès, en tout cas pas que nous donnions l'impression de fuir un point qui peut être gênant. Paul Valéry n'aimait pas l'histoire. Il disait « l'histoire est dangereuse, surtout par l'invitation au plagiat qui s'en dégage ». Je sens derrière nos épaules, dans cette émission, quelque chose comme un risque de plagiat. Il a eu ces formules qui sont restées célèbres, en particulier dans notre corporation d'historiens. « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues, il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution. » Et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. Et puis ce dernier mot qui est particulièrement dur à entendre quand on est historien et qu'on fait une émission comme celle-ci. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien car elle contient tout et donne des exemples de tout. Alors, cette critique de l'histoire, elle comporte en fait deux volets. Je crois qu'il faut bien distinguer. Le premier volet, c'est que Valéry, non sans raison d'ailleurs, adresse aux historiens un certain nombre de reproches qui sont des reproches méthodologiques en quelque sorte. Il reproche aux historiens de ne pas suffisamment analyser les causes, de ne pas suffisamment construire leur objet, de prêter attention à des réalités qui ne sont pas forcément les plus importantes. Il dit par exemple dans un texte « la découverte du quinquennat est beaucoup plus importante que telle bataille ou tel événement politique contemporain et pourtant on n'en parle pas ». Il me semble que depuis la mort de Valéry en 1945, l'histoire a quelque peu suivi ses recommandations. Voilà. Alors, je ne veux pas me faire l'avocat à tout prix, naturellement, mais enfin, ça peut être dit. Ça peut être dit, et je crois que, d'une certaine façon, bon, ce qu'on appelle l'école des annales, etc., est allé plutôt dans ce sens. Et puis alors, il y a le second volet que vous évoquez à travers le texte que vous lisiez, et qui est évidemment plus discutable au sens le plus sérieux du terme, c'est-à-dire l'idée, si vous voulez, que l'histoire donne de mauvais exemples. En gros, Valéry dit, on n'aurait pas guillotiné Louis XVI s'il n'y avait pas eu la décapitation de Charles Ier en Angleterre. n'y aurait pas eu le premier empire en France s'il n'y avait pas eu l'empire romain, ce qui n'est pas naturellement totalement dénué de sens. Vous pensez qu'il n'y aurait pas eu 1848 s'il n'y avait pas eu 1789, et voilà. Peut-être même mai 68 comme une sorte de parodie de 1848, c'est ce que disait Raymond Aron. Voilà, voilà, voilà. Donc, d'une certaine façon, l'histoire a tendance à imiter, et en fait, Valérie ne retient évidemment que les mauvais exemples, parce qu'on peut imiter naturellement des événements qui auraient été des événements glorieux dont on puisse rêver qu'ils se reproduisent. Non, ce qu'il reproche à l'histoire, c'est qu'en quelque sorte, qu'elle nous donne de mauvaises idées. Et c'est le sens du texte que vous lisiez à l'instant. Tout dépend de la manière dont on s'en sert et de la lucidité de ceux qui utilisent l'histoire. Parce que imaginez un chef d'État qui n'aurait aucune culture historique, je ne pense pas que ce serait excellent pour le pays qu'il dirigerait. D'ailleurs, De Gaulle, qui lui ne cessait pas de chercher dans l'histoire des inspirations, une certaine façon de hiérarchiser les événements du présent, ces événements que Paul Valéry aimait si peu. Je relève que dans Les chaînes qu'on abat, il dit, le livre fameux de Malraux sur sa visite à Colombey en décembre 1969, il dit ou aurait dit à Malraux, comme c'est étrange, Valéry a dit beaucoup de mal de l'histoire, mais il en a écrit quelques interprétations incomparables. C'était, c'est De Gaulle qui le dit, une querelle de ménage. Fin de citation. Alors, nous abordons au personnage pour comprendre comment il est devenu quelque chose comme ce contemporain capital auquel la nation rend hommage au Trocadéro, entre les deux ailes du palais, qui sont d'ailleurs ornées par des formules qu'on a demandées à Paul Valéry. Alors, pour un grand écrivain, c'est une sorte de moment rare que celui où on lui dit « Vous allez inscrire pour l'éternité ces formules-là ». Oui, d'ailleurs, Aragon s'est beaucoup moqué de cela. Il disait que Valéry était le seul écrivain qui avait le droit d'écrire au fronton des monuments publics. Eh bien, nous reparlerons tout à l'heure, si vous le voulez bien, des relations entre Valéry et le surréalisme, parce que c'est intéressant. Mais d'abord, je voudrais que nous l'écoutions d'entrée de jeu pour avoir sa voix dans l'oreille. C'est une archive radiophonique tardive, quelques semaines en réalité avant sa mort. Elle semble remonter au début de mai 1945. Et vous allez voir qu'il y résume un certain nombre des thèmes qui sont restés aujourd'hui très célèbres et qui sont propres peut-être aussi à nous faire réfléchir dans notre actualité. Situation d'Europe qui vient de perdre sa domination séculaire sur l'ensemble du monde. La destruction accomplie, l'affaiblissement de la culture nous pose à tous, habitant de ce petit cap de la vie, une quantité de problèmes que l'esprit peut à peine envisager. Il serait déjà bien difficile de les énoncer dans leur précision. Quant à les résoudre, il est clair qu'aucune tête au monde, aucune puissance matérielle ou spirituelle ne peut y songer. Tant ils sont enchevêtrés, tant ils se prolongent et s'influencent dans tous les ordres de grandeur. Le seul espoir que nous puissions raisonnablement concevoir est précisément celui que suggère cette complication inouïe de conditions et d'événements. Il m'est apparu voici un demi-siècle. D'abord que le globe entier était désormais entièrement reconnu, possédé par des nations organisées et n'offrait par conséquent de développements territoriaux possibles que ceux qui pouvaient causer ou plutôt imposer des conflits entre les nations. J'ai donné cette formule. Le temps du monde fini commence. En second lieu, j'ai fait remarquer, et la remarque a fait son chemin, que l'Europe n'était, comme je viens de le dire, qu'un petit cap du continent asiatique, et qu'il était paradoxal que pendant des siècles, cette minime portion des terres habitées eût imposé sa loi, ou du moins sa prépondérance, à l'ensemble des populations du globe. Cet équilibre paradoxal n'a été dû évidemment qu'à la différence de culture et de moyens techniques entre les Européens et les autres. Mais notre génie était hélas un génie malfaisant aussi. Les nations européennes, non contentes de se déchirer entre elles, en dépit de la haute culture qu'elles avaient créée, se sont acharnées dans une concurrence insensée à communiquer à tous les peuples non européens les secrets de leur supériorité. Armes, machines, engins, méthodes, et ceci devait avoir des conséquences que nul ne prévoyait. On retrouve bien là, me semble-t-il, Michel Jarty, le cœur de l'apport de Paul Valéry entre les deux guerres à la réflexion sur son temps. Ce qui est dramatique dans ce texte, d'une certaine façon, c'est que on a bien l'impression que Valéry comprend que la position qu'il a défendue depuis toujours doit être dramatiquement révisée, parce que ce qui est au fond de sa pensée politique, c'est finalement, il faut bien le dire, une supériorité de l'Europe, une supériorité de la civilisation européenne. Après la Première Guerre, donc, il se demande si l'Europe pourra rester, en quelque sorte, la première civilisation du monde. Il la compare à la tête d'un grand corps qui serait l'univers. Et naturellement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est obligé de se rendre compte que la puissance montante, c'est naturellement l'Amérique, ce sont les États-Unis. Alors que dans sa pensée politique, les États-Unis ont toujours été en quelque sorte la fille de l'Europe, mais une fille qui était quand même restée dans une espèce d'enfance ou d'adolescence et dont il n'y avait pas trop à craindre. Or là, la révision est naturellement, à ce moment-là, à la fin de la Seconde Guerre, la révision est déchirante. Pourtant, il avait dit dans l'entre-deux-guerres que l'Europe semblait constamment aspirer à être gouvernée par une commission américaine. Oui, mais il espérait que ce ne serait pas le cas. Il y a l'idée du monde fini aussi, qui est essentielle dans sa pensée. Le temps du monde fini commence. Le temps du monde fini commence. Alors ça, c'est une idée qu'il a développée dès ses jeunes années, dès la fin du 19e siècle, c'est-à-dire l'idée que finalement, les moyens de communication modernes font que le monde est véritablement un tout et que il n'y a plus cette distance qu'il pouvait y avoir entre des univers différents à l'intérieur même du monde. Mais ce qui est frappant tout de même dans cette intervention de 1945, c'est que il répète des choses qu'il a toujours dites, et on a l'impression que le vieil homme qu'il est et qui va mourir dans quelques semaines n'a plus la force de réfléchir véritablement à la situation nouvelle qui se présente à lui. Je voudrais que nous le présentions, ce Paul Valéry, car il y a un aspect de son itinéraire dont on ne prend pas toujours conscience, c'est le caractère très tardif de sa gloire française et universelle. À partir de 50 ans, il va devenir vraiment le grand écrivain au sens de la Troisième République. Oui, c'est quelque chose d'assez frappant d'ailleurs, et à quoi j'ai réfléchi en écrivant cette biographie, parce que finalement, Valéry écrit quelques œuvres de jeunesse qui ne sont pas évidemment sans importance, La soirée avec Monsieur Teste, etc. Mais il y a une longue période de silence jusqu'à la guerre de 14. Des vers aussi, parce qu'il est le disciple de Mallarmé. Des vers aussi. Mais si il n'avait pas eu La Jeune Parc, qui est son grand poème paru à la fin de la guerre de 14, en 1917, qui a eu un succès tout à fait considérable, et un succès qui était imprévisible, imprévu, s'il n'y avait pas eu ce succès, eh bien Valéry serait peut-être resté l'auteur de quelques textes, certes intéressants, certes importants, mais un auteur qui aurait été oublié. Or, La Jeune Parc, en 1917, connaît un succès tout à fait extraordinaire, et d'autant plus extraordinaire que c'est un poème difficile, que c'est un poème qui est pris entre une modernité qui n'est pas vraiment celle de Valéry et un académisme qui n'est pas non plus celui de Valéry. Donc c'est un poème assez étrange, assez étonnant, et qui lui vaut en quelques mois une gloire tout à fait considérable. Et c'est cette gloire qui lui vaut à son tour des commandes de textes de plus en plus nombreux. Et donc Valéry commence véritablement une deuxième carrière. Et il va parvenir à une réputation tout à fait incroyable pour nous aujourd'hui, qui n'avons plus idée de ce que pouvait être un grand écrivain entre les deux guerres. Sur La Jeune Parc, il a eu ce mot qui démonte son humour, il a dit « c'est l'obscurité de La Jeune Parc qui m'a mis en lumière voilà. ». Oui, c'est un mot admirable. Et à partir de 50 ans, alors que jusque-là il vivait de tâches un peu subalternes, comme secrétaire des administrateurs d'Havas, il va très vite s'affirmer comme un contemporain capital, selon la formule du temps. Oui, alors ce sont un peu les circonstances, d'une certaine façon, qui l'ont conduit à cette position, puisque, en effet, lorsque son patron, comme il l'appelle, Édouard Lebet, disparaît en 1922, il est obligé donc de gagner sa vie. Il sait très bien que les textes proprement littéraires qu'il écrit ne sont pas propres à lui rapporter des droits d'auteur considérables, donc il est obligé de faire des conférences, de multiplier les préfaces, et finalement, il devient une espèce de penseur du contemporain. Il s'intéresse de plus en plus à la situation politique, à la situation européenne, à la situation culturelle au sens large, et il a l'occasion, pendant l'entre-deux-guerres, de prendre position de façon tout à fait remarquable, et ça va donner lieu à un certain nombre de formules fameuses, comme celle que nous avons entendue tout à l'heure, le temps du monde fini commence, beaucoup d'autres, et donc il va y avoir là une double gloire chez Valéry. Il y a la gloire de l'écrivain proprement dit, en quelque sorte, forte, hein, l'auteur de la Jeune Parc, de Charme qui paraît en 1920. Le cimetière marin. Et puis, à cela s'ajoute donc cette gloire du passeur de culture, en quelque sorte, que devient Valéry, qui fait des conférences dans l'Europe entière, qui intervient aussi évidemment beaucoup en France. Et il devient une sorte de référence aussi bien pour les écrivains que pour ce qu'on n'appelle pas encore la classe politique que Valéry fréquente beaucoup. Le personnel politique. Personnel politique, oui. Voilà. Et pour un ami aussi sûr et aussi continu de Valéry, je pense à André Gide, il a rendu de ce fait de grands services à la France. Peu de temps après sa mort, André Gide parle de Valéry. On est en 1948, de la façon que voici. La valeur insigne de Paul Valéry échappe à la faveur populaire. Il a été indirectement et comme sans le vouloir d'immenses services à la France. Voici qui ne pouvait être appréciable que par un très petit nombre. Les événements m'ennuient, disait-il. Les événements sont l'écume des choses. C'est la mer qui m'intéresse. C'est dans la mer que l'on pêche, c'est sur elle que l'on navigue, c'est en elle que l'on plonge. Et nul n'a plongé plus avant. Curieux Narcisse, dominer l'esprit par l'esprit. Dès lors, le résultat ne lui importe plus guère, le produit non, mais le moyen de l'obtenir. Quand il voudra, comme il voudra, être capable de. Le vrai, c'est qu'il ne s'intéressait pas à autrui, du moins en tant que personne, car il se refusait à, j'allais dire à la sympathie, mais je ne voudrais pas que ce mot, qu'à ce mot on puisse méprendre et penser que je veux dire qu'il était incapable d'aimer. Non. Mais bien il répugnait à laisser la pensée ou l'émotion d'autrui, par contagion, empiéter sur son propre domaine. Narcisse, c'est une allusion à un autre poème fameux de Valéry, n'est-ce pas, oui. Michel Jarty, alors, esquisse d'un Narcisse. Oui, alors cette intervention de Gide est intéressante, je crois, parce que d'une certaine façon, il souligne bien une ambiguïté qui a été source de malentendus dans l'image qu'on s'est faite de Valéry depuis très très longtemps et que malheureusement on continue à se faire. Ce que je veux dire, c'est que Gide évoque très bien cette protection, cette réserve que Valéry opposait volontiers aux autres. Et en même temps, il souligne qu'il était capable naturellement de sympathie. Or, je pense que on a construit, et certains textes ou certains propos de Valéry pouvaient conduire à cela, en effet, on a construit de Valéry l'image d'un être qui serait une espèce de spéculateur abstrait, insensible à ce que l'humanité peut offrir en soi-même ou autour de soi. Or, en réalité, ce dont on se rend compte quand on regarde le parcours de son existence, c'est que c'est tout le contraire. Valéry est un être profondément inquiet, profondément angoissé. Il y a une formule des Cahiers, d'ailleurs, où il dit « angoisse, mon véritable métier ». C'est un être qui est capable des plus grandes détresses, en particulier détresse sentimentale. Il y a eu une tentation, en tout cas, de suicide dans son existence. Le moment de ses amours très compliqués avec l'écrivain Catherine Pozzi, voilà, dans les années 20. Et il y a chez Valéry une très très profonde humanité. Simplement, il savait lui-même à quel point cette fragilité, cette sensibilité, cette hypersensibilité qui était la sienne pouvait être dévastatrice. Et dès ses jeunes années, il a essayé de s'en protéger. Et il s'en est si bien protégé, d'ailleurs, que même certains de ses amis relativement proches le prenaient pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un être finalement, sinon inhumain, en tout cas insuffisamment humain. Alors que quand on regarde véritablement ses textes, on se rend compte que ça n'est pas du tout le cas. Et La Jeune Parc, par exemple, a pu être interprétée comme un poème relativement froid, à tort d'ailleurs. Mais le premier vers de La Jeune Parc, « Qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure ?» Ce premier vers ouvre donc au motif de la larme, et la larme chez Valéry, c'est la montée des larmes, c'est le signe de l'émotion la plus intense, et c'est une espèce de thème qui parcourt son œuvre littéraire. Il y a des notes de jeunesse où il évoque la montée des larmes. C'était quelqu'un qui pleurait et qui pleurait très facilement. Et il y a une humanité très très profonde, je crois, chez lui, qui a été l'objet d'une sorte d'incompréhension ou de mécompréhension de la part de beaucoup de ses contemporains. Et je crois que Gide était évidemment très bien placé pour en juger. Et à la mort de Valéry, d'ailleurs, il a fait paraître un article pour essayer justement de rendre sensible le public à cette dimension très profondément humaine de son ami. Dans le Figaro. Dans le Figaro. Mais le commentaire fameux du philosophe Alain, que Alain a donné de la jeune Parc, insiste, au contraire, me semble-t-il, sur cette très grande sensibilité de Paul Valéry. Et il me semble que même dans le domaine géopolitique, qui est notre préoccupation majeure aujourd'hui, la pérennité de cette pensée ne s'expliquerait pas s'il était une sorte de monstre glacé et distancié. Oui, tout à fait. En même temps, c'est toute la période où il a choisi de contrôler ses passions, après une première passion contrariée de sa jeunesse, c'est-à-dire entre 25 et 50 ans, choisissant les sagesses de la vie de famille, etc. Pendant cette période, il n'a pas beaucoup travaillé sur la planète du temps. Et c'est ensuite, comme s'il avait eu besoin, peut-être je m'avance trop, il avait besoin de cette sorte de vibrato de l'affectif pour pouvoir vraiment considérer une époque qui était elle-même traversée de tant d'émotions. Oui, je pense. Alors, il y a d'ailleurs un signe très intéressant, je trouve, de cette ambiguïté que j'évoquais, c'est la réaction de Valéry lorsqu'il apprend que, par testament, Catherine Pozzi a demandé que l'on brûle la totalité de ses lettres. Et il est partagé parce que, d'un certain point de vue, cette destruction par le feu satisfait sa réserve, sa pudeur naturelle et son désir que tout cela ne tombe pas entre des mains étrangères. Mais il y a Narcisse. Mais en même temps, voilà, il se dit que finalement, il y avait là un autre moi, plus vrai peut-être que celui qu'il a l'habitude de révéler. Il y avait là un autre moi que personne ne connaîtra jamais parce que ses lettres ont disparu. Cela renvoie aussi au chagrin, à la fureur, à vrai dire, d'André Gide quand il a appris que Madeleine Gide avait brûlé ses propres correspondances. Voilà, tout à fait. C'est d'ailleurs intéressant parce que ça montre bien le statut très ambigu de la correspondance pour un écrivain. C'est à la fois une œuvre littéraire et c'est en même temps une écriture privée. On trouve ce vibrato dans ses interventions dans la vie culturelle de son temps. Dès lors que tout à coup il émerge dans la notoriété, bientôt dans la gloire, il va très vite se préoccuper, dans l'ambiance spécifique de l'après-guerre, on croyait que c'était la der des der, d'une organisation de l'Europe qui lui permette de durer à partir des forces de l'esprit. Et c'est cela que je voudrais que nous considérions de plus près, parce que c'est vraiment très, très concret. Oui, dès la fin de la guerre de 14, Valéry, qui avait eu une jeunesse très nationaliste, devient un penseur de l'Europe. Et la crise de l'esprit, donc, qui est un article que lui avait commandé une revue anglaise en 1919, la crise de l'esprit, un an après, ou même pas un an, quelques mois après l'armistice, ne témoigne absolument d'aucune détestation à l'égard de l'Allemagne, d'aucune hostilité. Et Valéry, pendant tout l'entre-deux-guerres, va faire tout ce qu'il pourra pour essayer de rapprocher les peuples européens, et en particulier de rapprocher la France et l'Allemagne. Il va le faire à la fois dans le cadre de la coopération culturelle de la Société des Nations, puisque il appartient au comité des arts et lettres pendant l'entre-deux-guerres. Et puis, il va le faire à titre de conférencier. Et en particulier, il y a un grand discours qu'il prononce à l'ambassade de France en Allemagne. En 1926. Et qui est un discours tout à fait important parce que il y a deux éléments. D'une part, il plaide en faveur d'un rapprochement franco-allemand, c'est-à-dire qu'il va dans le sens de la politique de Briand. Et il le fait en tant qu'intellectuel, même s'il n'aime pas beaucoup ce mot. Et puis l'autre élément est un élément beaucoup plus large, c'est qu'il formule le souhait que finalement, ceux qu'il appelle les hommes de l'esprit, c'est-à-dire un peu autre chose que les intellectuels, des gens qui vivent pour l'esprit, eh bien que ces gens-là puissent d'une certaine façon exercer une influence sur les hommes politiques, qui, aux yeux de Valéry, sont trop guidés finalement par les passions et insuffisamment par la raison. Donc il faudrait qu'une sorte... On y revient. Alors la politique de l'esprit, ça va être cela pour une part, ça va être un rapprochement des peuples européens à travers la culture, mais ça va être aussi l'idée que ce qu'il appelle les parties supérieures de l'esprit puissent être davantage appliquées à la gestion des affaires politiques. C'est-à-dire qu'on en finisse avec les vieilles passions, et on revient là à la question de l'histoire que vous évoquiez à l'instant, qu'on en finisse avec ces vieilles passions, ces passions en particulier nationales, et qu'on essaye de construire l'Europe sur des bases qui soient des bases raisonnables et rationnelles à la fois. Ces années 1920, à cet égard, sont passionnantes et Valéry tient brillamment sa place. Cela renvoie à ce qu'on a essayé de faire et qu'on a mieux réussi après 1945, dans la construction de l'Europe. Et en même temps, on est parti de l'économie. On a essayé de partir du militaire dans les années 1950. Alors que pour Valéry, il fallait partir plutôt des forces de l'esprit. On a prêté à Jean Monnet un mot d'ailleurs apocryphe, qui n'était peut-être pas en réalité très, très profond. On a affirmé qu'il aurait dit, si c'était à refaire, je partirais de la culture. Je ne sais pas si on peut partir de la culture, mais c'est ce qu'a cru en tout cas Paul Valéry. C'est ce qu'il a cru. Et alors ce qui est assez frappant dans ces années-là, vers le milieu des années 20 ou le tout début des années 30, c'est qu'il y a un certain nombre d'organisations qui essayent de plaider en faveur de l'Europe. Alors il y a le comité des lettres et arts auquel participe Valéry, mais il y a aussi le comité français de coopération intellectuelle qui est créé par le mathématicien Émile Borel, qui est aussi un éphémère ministre de la Marine. C'est plutôt ce comité d'Émile Borel est plutôt un comité de gauche. Il y a en Autriche ce qu'on appelle le Kulturbund, c'est-à-dire l'union intellectuelle du prince de Rohan, qui est assez ouvert au commencement. Et Valéry, donc, quand il va à Berlin, va également à Vienne parler devant le Kulturbund sous la présidence de l'écrivain Hofmannsthal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Kulturbund, au début, est assez politiquement assez ouvert, alors qu'en réalité, le prince de Rohan, qui le dirige, est lui un homme de droite et qui souhaite une révolution de droite. Et l'affaire va se terminer d'ailleurs plutôt tristement, puisqu'il va suffire de quelques années pour que le Kulturbund vire totalement à droite. Alors il y a là des mouvements assez différents, mais qui dans ces années-là, avant l'arrivée de Hitler au pouvoir en quelque sorte, ont tous pour ambition de créer des liens de solidarité culturelle entre les peuples européens. Et je crois que c'est en effet quelque chose de très intéressant pour nous, parce que notre génération a connu l'Europe de l'après-guerre, qui a été essentiellement, il faut bien le dire, une Europe économique. Et l'Europe culturelle, aujourd'hui, n'existe pas trop, alors que la génération de Valéry, et Valéry lui-même, ont déployé beaucoup d'efforts pour que des liens puissent se tisser. Et ça a pris des formes qui étaient des formes très concrètes. Enfin, il y a eu toute une politique, par exemple, que Valéry a aussi soutenue en tant que président du Pen Club français, toute une politique de traduction, une politique très méthodique. On traduisait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, il faut le dire, avec chagrin. On traduisait et le comité de Valéry, le comité des lettres et arts a beaucoup insisté pour que cette politique de traduction soit amplifiée. Et puis à partir des années 30, comme les discussions de son comité de la Société des Nations étaient quand même assez techniques et un petit peu ennuyeuses, même si c'était des choses qui étaient utiles. Ils ont créé un office des musées, une revue, ils ont organisé un congrès des arts populaires, etc. Il a eu l'idée, avec l'historien d'art Henri Faucillon, de créer à la fois une correspondance et des entretiens. Et cette correspondance a donné lieu à un certain nombre de volumes, dont un qui est apparu en 1933 et qui est important puisque les auteurs sont Einstein et Freud. Hein, c'est un échange de lettres entre les deux hommes. Ce qu'on appelle correspondance, en fait, on suscite des dialogues par écrit entre des personnages élus comme représentatifs ou remarquables. Voilà. Alors, il y a un côté évidemment 18e-iste hein, dans cette idée de correspondance. C'est un peu la correspondance littéraire de Grimm. Le modèle, je pense, a été celui-là, parce que Valéry est un grand admirateur du 18e siècle. Et donc, il y a eu en particulier cet échange de lettres « Pourquoi la guerre ?» entre Freud et Einstein en 1933. Et j'ai été frappé, d'ailleurs, en regardant cette réimpression, de voir que dans la préface, on ne dit absolument pas que c'est Valéry qui est à l'origine. C'est très mal. Nous corrigeons cette injustice à ce micro, oui, Michel Jarty. Ce qui frappe, quand on revoit ces tentatives qui apparaissent finalement assez prémonitoires par rapport à ce qui s'est passé à la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a tout de même en arrière-plan quelque chose comme une inquiétude, une morosité. Vous citiez tout à l'heure le texte tellement célèbre de Paul Valéry de 1919, la crise de l'esprit. La crise de l'esprit, je voudrais que nous l'ayons dans l'oreille. Le texte, début du texte est lu ici par Pierre Vadec. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions, à travers l'épaisseur de l'histoire, les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables, elles sont dans les journaux. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il faut rappeler que le Lusitania, c'est le nom d'un navire qui avait été, en 1917, coulé par un sous-marin allemand. Donc on voit bien la métaphore. Est-ce que cette relecture de ce texte très célèbre, Michel Jarty, vous paraît, à la lumière d'aujourd'hui, de nos préoccupations, peut-être de nos angoisses liées à la crise, vous paraît garder de la force, garder de la pertinence? Oui, je pense que c'est un texte qu'il faudrait méditer, parce que l'idée que Valéry essaye de défendre dans ses pages et qu'il défendra ensuite dans d'autres textes pendant l'entre-deux-guerres, cette idée, c'est qu'il existe un esprit de l'Europe. C'est-à-dire une sorte de ferment, une sorte de germe qui a conduit à la civilisation européenne dans ce qu'elle a de tout à fait particulier par rapport aux autres civilisations, et que cette puissance de transformation, parce que pour lui l'esprit est une puissance de transformation, que cette puissance de transformation s'est trouvée totalement déréglée en quelque sorte, comme une machine peut devenir folle pendant la Première Guerre mondiale. Et tous ces efforts entre les deux guerres visent justement à essayer de redonner un sens. Il y a une phrase qui est une phrase très belle, qui est une phrase en même temps assez pathétique, lorsque Valéry dit que l'Europe n'aura pas eu l'avenir de sa pensée. Et donc, il faudrait une véritable pensée de l'Europe, et c'est à cela qu'il s'attache. Et c'est à cela aussi que nous pourrions aujourd'hui, je crois, réfléchir pour essayer de donner un sens à l'union des pays européens telle que nous la connaissons, même si elle s'est élargie d'une façon que Valéry n'aurait sans doute pas envisagée de son propre temps, puisque son Europe à lui était une Europe évidemment restreinte. Elle allait jusqu'à l'Allemagne, l'Autriche, oui, Allemagne, sûrement l'Autriche. Pas jusqu'à la Russie. Non, sûrement pas jusqu'à la Russie, et d'ailleurs il est intéressant de voir que autant Gide s'est intéressé à la Russie, autant l'Europe de Valéry s'arrête en deçà. Il a beaucoup cru... Vous parliez de Einstein, vous parliez de Borel. Il a été proche de ce qu'on a appelé les gens de l'Arquest, les Langevin, les Curie, les Perrin, qui se retrouvaient chaque été en Bretagne. Et la question des relations entre la science, qui l'a tant intéressé, et le mouvement de la politique est aussi très présente chez lui et peut susciter, me semble-t-il, des réflexions d'aujourd'hui. Oui, il y a une véritable pensée de la science chez Valéry qui est assez intéressante, parce que c'est aujourd'hui une question évidemment qui nous concerne à peu près dans les mêmes termes. Ce qui l'a beaucoup frappé, c'est que finalement, la science telle qu'on l'avait conçue pendant de nombreux siècles était une science qui était fondée finalement sur les sens, sur notre sensibilité, la géométrie, l'acoustique, etc. Or, la science moderne telle qu'elle apparaît après Einstein, entre les deux guerres, devient une sorte de science abstraite. Et il est intéressant de voir qu'il y a des discussions de Valéry avec les savants, tels que Perrin, Langevin, qu'il a beaucoup, beaucoup fréquenté, en particulier au cours des réunions de la Société française de philosophie, qui organisait des débats sur ces questions. Il est intéressant de voir que Valéry essayait de les pousser, ces savants, à exprimer davantage ce que pouvait être cette science moderne. Et il leur posait des questions. Mais qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez un photon, par exemple? Question qui peut paraître assez surprenante, mais qui correspond bien à cette espèce d'inquiétude que Valérie a pu avoir devant une science qui finalement devenait de plus en plus abstraite, de plus en plus éloignée de la mesure humaine. Et je crois que dans le cadre précisément d'un humanisme qui était aussi politique, mais qui était aussi scientifique, il y avait là une inquiétude évidemment qui peut continuer d'être la nôtre. Il est sur le versant de Descartes, beaucoup plus que sur celui de Pascal. Oui, oui, tout à fait. Il y a des formules très, très dures à l'égard de Pascal, très injustes aussi, il faut bien le dire. Il n'a pas voulu comprendre, je pense, que les pensées de Pascal étaient écrites finalement pour essayer de persuader le libertin. Et donc quand on veut persuader quelqu'un, il faut utiliser évidemment un certain nombre d'artifices rhétoriques. Hein. Et l'immensité de ces espaces infinis m'effraie. Par exemple, il y voit une phrase admirable, mais il y voit un poème et il y voit une sorte de tromperie en quelque sorte. En fait, c'est un texte qui vise à émouvoir. Et donc Pascal se donne les moyens, tout à fait légitimement, d'émouvoir son lecteur. Il est intéressant aussi, me semble-t-il, Michel Jarty, de voir dans cette conjoncture des années 20 les relations que Valérie a eues avec le monde des surréalistes. Parce que d'un côté, il y avait Valérie, c'est la raison, qui s'était d'ailleurs enraciné, vous le disiez, dans un certain nationalisme dans sa jeunesse, puisqu'il avait été anti-Dreyfusard, ce qui est un peu surprenant rétrospectivement. Et d'autre part, ce que le surréalisme a représenté de liberté, d'invention. André Breton, qui a été très proche de lui, qui ensuite s'est brouillé, en parle de la façon que voici. Le souvenir pour invoquer vos rencontres avec Paul Valéry. Je me revois pénétrant pour la première fois chez lui, aux 40 de cette vie de Villejuste, dont je me doutais si peu qu'elle échangerait un jour son nom contre le sien. De belles toiles impressionnistes se casant comme elles pouvaient, bloquant les miroirs, m'accueillant avec la meilleure grâce cet homme, celui-ci, et non un autre, sur qui j'étais en montant l'escalier bien en peine de mettre de visage, et fixé sur moi, sous la paupière un peu coupante, son œil d'un très beau bleu transparent de mer retirée. Ce qu'elle avait peut-être de plus piquant, c'est ce qui passait de son esprit profondément destructeur et même nihiliste, qui a très justement frappé T.S. Eliot. C'est sans doute ce qui lui a fait un pont vers le surréalisme, pont qui devait se lézarder, n'est-ce pas, vers 1921, et se fracasser quelques années plus tard. Exactement. Il n'en reste pas moins que Valéry m'a beaucoup appris. Avec une patience inlassable des années durant, il a répondu à toutes mes questions. Il m'a rendu, il a pris toute la peine qu'il fallait pour me rendre difficile envers moi-même. Je lui dois le souci durable de certaines hautes disciplines. Pourvu que certaines exigences fondamentales fussent sauves, il savait d'ailleurs laisser toute latitude. Il me disait, je ne suis pas du tout l'homme anxieux de faire partager ses idées. Le prosélytisme est à mes antipodes. Chacun voit ce qu'il voit. Et pourtant, le mythe dont j'ai parlé devait être le plus fort. Rien ne résista à la déception, à la désillusion de le voir tout à coup contredire son attitude, publier de nouveaux vers, retoucher, d'ailleurs maladroitement, ceux d'autrefois, tenter, mais bien en vain, de faire revivre M. Test. Je ne m'étends pas sur cette phase spectaculaire de son évolution. Je choisis le jour qu'il entrait à l'Académie française pour me défaire de ces lettres qu'un libraire convoitait. Il est vrai que j'eus la faiblesse d'en garder copie, mais longtemps, j'avais tenu à l'original comme à la prunelle de mes yeux. André Breton était interrogé par André Parineau. En l'occurrence, il me semble que cette rencontre puis ce divorce sont assez éclairants sous la lumière d'aujourd'hui, Michel Jarty. Oui, en réalité, les relations de Valéry avec le surréalisme sont nées de la rencontre de Breton. Breton est venu le voir juste avant la guerre de 14. C'était un tout jeune homme qui était alors très intéressé par les écrivains de la fin du 19e siècle. Il avait beaucoup lu Mallarmé, etc. Il voulait interroger Valéry sur son propre silence, en quelque sorte. Et On voit bien qu'il y a un malentendu profond dans ce que vient de rappeler Breton ici, c'est que Breton avait pris Valéry pour Monsieur Test. Pour un nihiliste d'ailleurs. Voilà. Monsieur Test s'était débarrassé de tous les livres et donc il pensait que Valéry lui aussi s'était débarrassé de tous les livres et que parce qu'il avait cessé d'écrire à une certaine période, il n'écrirait plus jamais. Donc quand Valéry a fait paraître La Jeune Parc, ça a été une très grande déception de la part de Breton. Mais moi, ce qui me paraît très émouvant dans cette relation entre les deux hommes, c'est que du point de vue de Valéry, visiblement, c'était une façon de revivre, inverser, la relation qu'il avait eue avec Mallarmé. Mallarmé l'avait accueilli exactement comme lui a accueilli Breton. Et dans les lettres que Breton lui adresse, on voit très bien que quand Breton traverse des moments de crise, eh bien Valéry revit ses propres moments de crise de jeune homme. Et il y a donc une relation qui s'est établie, qui est devenue une relation tout à fait paternelle de la part de Valéry. Et puisque Breton évoquait les ponts qui ont été rompus, il faut bien dire que c'est lui, Breton, qui les a rompus. Avec ce geste symbolique de vendre les lettres. Voilà, vendre les lettres. Et puis, bon, il a eu une attitude que je trouve assez difficile à comprendre parce que Valéry avait beaucoup fait pour lui. Valéry était intervenu à la demande de Breton lui-même auprès de son père qui voulait lui couper les vivres quand il avait décidé d'interrompre ses études de médecine. Et quand Breton a été obligé de travailler, c'est Valéry qui lui a trouvé un poste auprès de Gallimard. Enfin, il y a eu donc là toutes sortes de témoignages d'une réelle affection à laquelle Breton finalement a opposé à partir des années 20 une sorte presque de détestation. Il y a des gestes qui sont incompréhensibles. Amour déçu. Amour déçu. Alors il y a la vente des lettres, il y a d'autres signes. Un jour dans un théâtre, Breton apercevant Valéry se met à crier « Ah bah monsieur Valéry !» Ce sont presque des gamineries d'une certaine façon, mais ce sont des gestes qui sont finalement assez pénibles. Mais cette sorte de crise de la raison que ce dialogue rappelle, est-ce qu'il vous paraît pouvoir faire écho aujourd'hui? Je vous ramène à notre actualité, Michel Jarty. Du point de vue littéraire, c'est assez difficile à dire, mais il y a de façon générale, je pense, une très grande ouverture d'esprit de Valéry vis-à-vis de ce que pouvait être une avant-garde. Et une très grande ouverture qui se traduit en particulier, Breton a raison de le dire, parce que c'est important, par une absence de prosélytisme. Aucun désir de prosélytisme chez Valéry. Et je crois qu'il y a une liberté d'esprit que lui-même a toujours cultivée et qu'il a voulu voir cultivée par chacun. Et je pense que ça peut être naturellement une leçon. Il y a un côté, certainement, chez Valéry, autarcique, c'est-à-dire le désir de voir sa pensée préservée d'autrui, de voir sa liberté entièrement garantie, mais en même temps, en échange, en quelque sorte, il souhaite que ce soit vrai pour chacun. Et dans les relations qu'il avait avec Breton, il souhaitait que surtout Breton ne cherche pas à imiter Valéry, ou ne cherche pas à lui plaire, ou ne cherche pas à faire quoi que ce soit qui irait contre son propre désir. Je suis frappé aussi par cette sorte de crise du progrès qui est, nous dit-on, tellement d'aujourd'hui, et que l'on trouve à plusieurs reprises dans la réflexion de Paul Valéry, y compris dans ce refus au moins affiché de la curiosité pour le passé. Oui. Alors il y a toutes sortes de réflexions. Pour l'avenir. Voilà, il y a toutes sortes de réflexions qu'on pourrait en effet méditer aujourd'hui, puisque ce sont des réflexions qui touchent à ce qu'on appelait dans l'Antiquité l'otium, c'est-à-dire le loisir. Au contraire du négocium. Voilà. Et donc, Valéry appartient à cette génération qui a vu la journée de travail, avant même le Front populaire, la journée de travail diminuer. Et donc, il a vu le temps libre, comme on ne disait pas à l'époque. 40 heures, c'est le Front populaire. 40 heures, c'est le Front populaire, mais il y avait eu d'autres lois antérieures qui avaient aussi légiféré. Et donc, il a vu que chacun disposait d'un temps plus grand. Et il fait une distinction qui me semble tout à fait intéressante entre ce qu'il appelle le loisir chronométrique et le loisir intérieur. C'est-à-dire le loisir chronométrique, c'est du temps qui est en quelque sorte du temps vide pour lequel il faut un passe-temps. Alors que le loisir intérieur, c'est un loisir justement où l'esprit peut travailler sur lui-même, peut s'enrichir, peut se transformer. Un des éléments qui l'inquiète dans le progrès tel qu'il l'analyse entre les deux guerres, eh bien, c'est qu'une certaine culture, au sens actif du terme, a tendance à s'affaiblir au profit de quelque chose qui relève simplement du passe-temps. C'est-à-dire que, finalement, c'est du temps perdu, même si on cherche à l'occuper. Et vous trouvez que ça fait écho aujourd'hui ? Bah, ça fait écho, oui, je pense, à certains aspects de notre vie d'aujourd'hui, en effet. C'est ce que disent en tout cas un certain nombre d'esprits chagrins. Oui, je pense qu'on peut être peut-être de ces esprits chagrins. Je vais vous faire entendre pour finir une allocution prononcée par Paul Valéry pour la radio au moment même de la déclaration de guerre de septembre 1939, au moment où s'effondre tout ce qu'il avait pu porter de désir de construire une coopération européenne et le commerce fécond des esprits. On a souvent déprécié, raillé, vigoureusement critiqué ces pays où les libertés publiques font équilibre à la puissance de l'État. Mais tout le mal que l'on peut penser de nos libertés et attribuer à leurs excès s'évanouit à la lueur de l'explosion actuelle. Cette flamme illumine tragiquement une vérité fort simple, à savoir qu'un pays libre est un pays dans lequel il est impossible que la paix ou la guerre soit le fait d'un seul être. C'est un pays dans lequel personne n'admet, personne ne conçoit que la paix ou la guerre puisse ne dépendre que de l'humeur, des nerfs, de l'idéal, de la sombre méditation d'un homme ou d'un rêve qu'il aura fait. Représentez-vous bien ceci. D'un côté, cet homme qui est ce qu'est, qui vaut ce qu'il vaut. De l'autre, un peuple tout entier, suspendu au moindre signe de cet homme. Il suffit à cet homme d'un acte insignifiant, aussi simple que de presser un bouton ou de tourner un commutateur pour mettre le feu à l'Europe et déchaîner sur des millions d'hommes des maux incalculables et d'extrêmes calamités. À notre époque, un pays qui n'est pas libre est un pays où les hommes n'ont pas le cœur d'être libres, ni même le désir ou le besoin de l'être, ni même l'idée qu'ils pourraient l'être, à peine le voudraient-ils. C'est là tout le ressort de la guerre actuelle. Il faut bien l'avouer, nous ne comprenons rien aux Allemands. Ils spéculent sur les divisions et sur l'esprit pacifique des peuples libres. Ils se dépouillent des apparences de la loyauté. Sa parole ne l'enchaîne plus. Sa signature, il la renie et il pactise avec une doctrine et une puissance qu'il avait furieusement dénoncée. Voici qu'il n'écoute plus rien et que le poison de la volonté de conquête le possède entièrement. Et c'est la guerre. Guerre singulière. Guerre qui ne ressemble à aucune. Guerre de la raison contre la démence. Guerre du respect des engagements contre le mépris de la foi jurée. Guerre de l'esprit contre l'oppression de toute pensée. Nous sommes le 2 septembre 1939. Nous ne comprenons rien aux Allemands, dit Paul Valéry. C'est une formule qui a d'ailleurs provoqué des réactions. Oui, alors c'est un texte qui a été assez mal, enfin une intervention qui a été assez mal accueillie parce que on avait demandé à Valéry d'intervenir à la radio dans le cadre de la propagande. Or, en réalité, ce n'est pas du tout un texte de propagande. Et ce qui est assez frappant, c'est que il dissocie totalement Hitler et le peuple allemand. Et le peuple allemand est à plaindre. D'une certaine façon, c'est une manière d'anticiper sur la fin de la guerre, puisque c'est vrai que la fin de la guerre libérera le peuple allemand du nazisme. Mais au début de la guerre, en 1939, la situation est tout de même tout à fait différente. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'important, parce que autant pendant la première guerre, Valéry considérait que c'était une guerre entre la France et l'Allemagne, autant pendant la Seconde Guerre, il considère que c'est une guerre qui est une guerre qui oppose Hitler et les nazis à la France. Sous le regard d'aujourd'hui, ça ne paraît pas absurde. Ça ne paraît pas absurde, mais c'était quelque chose qui était probablement difficile à accepter par les auditeurs au début septembre 1939. Aujourd'hui, l'historiographie se divise, comme nous savons, entre ceux qui pensent que le nazisme a été en quelque sorte imposé pour forcer le trait au peuple allemand et ceux qui pensent qu'au contraire, les Allemands ont eu, dans cette génération, une responsabilité considérable. Il est évidemment, dès ce moment-là, de la première famille d'esprit. Voilà. Et puis, l'autre aspect de cette intervention, c'est que il a tendance à considérer, probablement un peu trop, que la guerre a été le résultat de l'action d'un seul homme qui a finalement, dit-il, tourné le commutateur. Or, c'est tout de même oublié que depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir, toute une stratégie de conquête s'est mise en place et que la guerre de 1939 n'est que la dernière étape de cette stratégie. C'est d'ailleurs ce que la philosophe Simone Veil écrit à ce moment-là dans un article, et pour s'attrister que Valérie n'ait pas évoqué davantage cette misérable stratégie de destruction. On discerne en même temps cette peine extrême qui est la sienne, de voir la raison s'incliner ou s'abîmer devant l'absurde, devant la démence. Tout le rêve de Valérie dans ces années-là, et après tout, il peut trouver aujourd'hui une descendance attachante, c'est l'idée que la science est elle seule peut lutter contre le nationalisme. Vous ne pouvez pas, disait-il, abolir le nationalisme si vous ne mettez quelque chose à sa place. Et la science offre cette grande chose à quoi les hommes pourraient se raccrocher. Peut-être aujourd'hui, nos contemporains seraient-ils moins péremptoires dans ce domaine. Il y aurait moins d'espoir sur la capacité de la science à assurer la paix contre l'esprit de nationalisme. Oui, sans doute, mais en tout cas, ce qui explique évidemment l'amertume, la très grande désillusion de Valérie à ce moment, au moment de ce discours en 1939, c'est que tous ses efforts pendant l'entre-deux-guerres ont été de faire prévaloir toujours davantage la raison. Et là, il voit exactement l'inverse se produire, c'est-à-dire une passion furieuse, tout d'un coup, déclenchée par quelqu'un qui tourne le commutateur, quelque chose qui va être véritablement un cataclysme. Même s'il n'aimait pas l'histoire, comme nous savons, on peut penser que s'il avait vécu au-delà de 1945, il aurait eu la satisfaction de voir que, cette fois-ci, l'Europe avait réussi à prendre sur elle-même les moyens de dépasser les folies antagonistes et de construire sur la raison, plus que sur la passion, l'union dont nous profitons aujourd'hui. Oui, je pense qu'il aurait été tout à fait favorable à ce qu'on appelle la construction européenne, et en particulier au rapprochement entre la France et l'Allemagne, tel que le général de Gaulle a pu l'initier au début des années 60. C'est quelque chose qui lui aurait été tout à fait agréable et qui correspondait d'une certaine façon à ce que lui avait voulu faire en soutenant la politique de Briand pendant les années 20. Il est toujours dangereux de faire parler les morts, alors nous allons nous en tenir là. Michel Jarty, je rappelle que votre livre majeur, magistral, consacré à Paul Valéry sur 1200 pages, est paru chez Fayard, et j'y renvoie bien sûr tous les auditeurs que notre conversation aura rendu désireux de voir ces choses de plus près. Je pense qu'ils seront nombreux. J'ai plaisir à citer aussi l'apparition de Corona et Coronilla. Ce sont des poèmes qui ont été adressés par Paul Valéry à Jeanne Leviton, dite Jean Voilier, ce dernier grand amour qui confirme, Michel Jarty, que la raison n'a pas toujours dominé exclusivement ce grand homme-là. Oui, d'ailleurs, ces poèmes sont très intéressants dans la mesure où ils viennent ajouter à l'œuvre poétique du milieu de l'existence de Valéry, une période nouvelle qui est une période assez ambiguë, puisqu'il s'agit de textes qui sont essentiellement privés et que Valéry avait le désir d'éditer, de rassembler en un recueil, mais sans que l'on sache véritablement si un jour il serait allé jusqu'au bout de ce désir. Et pour ce qui me concerne, je crois qu'il ne s'y serait jamais résolu parce qu'il y avait une différence trop grande entre l'écriture privée et l'écriture destinée à un large public. Mais maintenant, nous sommes entrés dans une époque qui est une époque différente, bien sûr, plus d'un demi-siècle après, et il est tout à fait normal que ces textes privés soient offert au lecteur. Une norme nouvelle. En même temps, un homme qui conserve tout, comme Valéry conservait tout, on se dit que peut-être il pouvait penser que ce tout-là ne serait pas détruit. Merci Michel Jarty. Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores qui ont été utilisés, les archives qui nous ont fait entendre, en particulier la voix de Paul Valéry, sur le site internet de France Culture, à la page Concordance des temps. Vous pourrez également, vous le savez, réécouter, télécharger cette émission et réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau et aussi de Meryl Moneghetti, Patrick Molinier, Vincent Renet, Nathalie Rouvillain et pour les Archivina, Véronique Jolivet. dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.